que tu payes ton pacte. Rejoue ta pièce de théâtre, acte après acte, après acte, après acte. Si longue est sa part d'éternité, peu importe l'intensité, sur cette sans fin, sans but, sans dû, y a rien à rembourser. Une fois coincé dans l'ouroboros, même en te laissant bercer, tu n'y verrais pas la vie en rose. Pourtant ça braille dans tes entrailles, cherche la faille, fais la grande trouvaille. Mais tous les roses sont tissées de paille face au grand final de ce jeu de diable. Et rien n'est faux. Chaque renouveau, le pacte est signé, c'est le robe rose. Tu ne quitteras pas mes allées. Thank you.